بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم. أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم عديدة ونحن لا نشعر بها فنكفر بها. Le fait que Allah nous a comblé d'un bien grand nombre de bienfaits sans que nous nous en rendions compte et que par la suite nous avons été ingrats. Et par Abu Taymiyyah Khalil al-Muhtani qui hafidhahu Allah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة que la religion c'est le conseil أنا أحب في هذا المقام أن أذكر نفسي وإخواني ببعض النصائح والتوجيهات مأخوذة من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. J'aimerais ici évoquer quelques conseils, inshallah, en premier lieu pour moi-même, ainsi que pour mes frères et ceux qui écouteraient, et des conseils qui eux-mêmes sont tirés des paroles des gens de science. Et également avant cela, de la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, sur un sujet qui est assez important, sur lequel j'ai pu constater depuis les années mon entrée en islam jusqu'à ce jour, que ce sont des faits qui se répètent énormément et qui amènent à de mauvaises conséquences pour ceux qui en sont atteints. Et il s'agit du fait de ne pas patienter sur un bienfait que Allah nous a accordé. Yani, an Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayna bi ni'amin adida wa nahnu la nash'ur biha fa nakfur biha. Le fait que Allah nous a comblé d'un bien grand nombre de bienfaits sans que nous nous en rendions compte et que par la suite nous avons été ingrats. Comme encore le Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et que si jamais vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Fa min huna, ces points j'ai pu les constater dans trois choses principales. بِحَسْبِ يَنِي تَجْرِبَتِي وَحَيَاتِي. Dans trois principaux points. Le premier, qui est la hijra. Par rapport à ceux qui la voulaient, qui la désiraient, qui l'ont demandé, qui l'ont obtenu, mais qui par la suite n'ont pas passé tout dessus. Deuxième point, فِي نِعْمَتْ تَرَبَ الْعِلْمِ. Le fait de pouvoir rechercher la science et de pouvoir étudier. Kazalik. Bon nombre de personnes l'ont voulu, l'ont obtenu, et au final n'ont pas patienté et ont fini par tout abandonner. Et troisième point, fima yatalaq bizawaj. Dans le mariage. Combien l'ont voulu, l'ont obtenu, et au final n'ont pas patienté, et ont abandonné ce qu'ils avaient comme bienfait. Et ces trois catégories de personnes n'ont trouvé comme résultat à tout cela que le regret. Al-Nadam. Souvent les deux premiers, qui sont la hijra et talab al-ilm, le plus souvent, cela est lié aux hommes. Ce sont des problèmes très fréquents qu'on a vu chez beaucoup de frères. Et le troisième, qui est lié au mariage, lui est plus fréquent chez la femme. Qui après que Allah lui ait accordé le bienfait d'avoir un mari ou ce genre de choses, sans qu'il n'ait pour autant de raisons de légiférer, elles finissent par se lasser, ne pas avoir le bienfait qu'elles ont, et en deviennent ingrates, ce qui font qu'elles vont perdre le bienfait qu'elles avaient obtenu, et tombent dans les problèmes, par la suite. C'est aussi valable pour l'homme, c'est plus fréquent chez la femme. فَمِنْ هُنَا جَمْرِنْ شَلَّا فَرَدْ نَسِيحَا مِنْ مُخْتَصَرَا là-dessus مِنْ بَبِي كُلَّ عَزَ وَجَلْ فَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il rappelle car le rappel profite aux croyants. فيقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تعالى في القرآن يدي dans le sens demande aux fils d'Israël combien leur avons-nous donné de signes clairs et que celui qui change le bienfait d'Allah après qu'il soit parvenu alors Allah est dû en châtiment. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى شوذيه بكو dans cette نصيحة des paroles de l'Imam Sa'di car elles sont très simples, très claires. Elles sont très simples, très claires et pleines de حكم, pleines de sagesse. فقال يقول تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فتيقنوها وعرفوها ولم يقوموا بالشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا. Donc il a dit par rapport à ce verset, le fait de demander aux fils d'Israël combien de bienfaits, ou plutôt de signes clairs nous leur avons accordés, il dit que justement les Bani Israël, ces signes ils les ont vus, ils les ont reconnus. Cependant ils n'ont pas su les remercier, c'est bien fait. Chose qui leur était obligatoire. Et ils ont même plutôt été ingrats, ils ont bien fait, ils ont changé le remerciement par la gratitude. ثم قال ولهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرم عليهم ثوابه وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية ودنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحل عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي فصار الكفر بدل النعمة. وقال دي C'est pour cela que par la suite ils ont mérité que Allah fasse descendre sur eux son châtiment et qu'il les prive de sa récompense. Et que Allah a appelé cela comme étant de l'ingratitude. Car celui à qui Allah a accordé ses bienfaits, qu'il s'agisse des bienfaits de mondains, c'est-à-dire liés à la dunya, ou religieux, et qu'il ne le remercie pas, n'est pas reconnaissant, et qu'il n'applique pas les obligations qui en découlent, alors celle-là, si bien fait, s'estromperont et partiront. Ces bienfaits disparaîtront sur lui. Et ils seront changés par la mécréance et les péchés. Donc c'est-à-dire que par la suite, la gratitude prendra la place du bienfait. ثم قال وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزول الله منها. Il dit quant au fait que celui qui arrive à lui rendre son droit, ce bienfait, en remerciant. Alors ce bienfait perdurera et continuera, et que Allah lui rajoutera. Donc Allah Ta'ala, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dans le sens Allah il dit, c'est-à-dire vous fils d'Israël, lorsque vous dites à Moussa, nous ne passerons pas sur une seule nourriture, alors invoque ton Seigneur qui sort pour nous de la terre, ce que la terre fait pousser, comme oignons, comme lentilles, il leur a répondu dans le verset, allez-vous changer ce qui est moins bien pour ce qui est meilleur? Allez donc, Timis, dans le pays, car vous y trouvez ce que vous avez demandé. Et de là, ils furent atteints par l'avilissement et la pauvreté et la colère d'Allah. Cela pourquoi? Car ils ont mécru au verset d'Allah, car ils ont tué les prophètes sans droit, et cela pour leur désobéissance et leur animosité. Ça, c'était une fois que Moussa alayhi salam est sorti de chez Pharaon avec les fils d'Israël. Mme Sardi dit en tafsir de ce verset également, قال أما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا. Donc il dit, ensuite, quant à la nourriture que Allah vous a accordée, c'est la meilleure des nourritures, la plus noble. Comment recherchez-vous une autre? وَلَمَّا كَانَ الَّذِي جَرَى مِنْهُمْ فِيهِ أَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى قِلَّةِ صَبْرِهِمْ وَاحْتِقَالِهِمْ لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَنَعِيمِهِ جَزَاهُمْ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِمْ فَقَالَ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الَّتِي تُشَاهَدْ عَلَى ظَاهِرِ أَبْدَانِهَا. Et lorsque il s'est produit ce qui s'est produit venant d'eux, cela était la plus grande preuve de leur manque de patience et du mépris envers les ordres d'Allah et de ses bienfaits. Alors il les a rétribués en mesure de leurs œuvres. C'est pour ça qu'il a dit dans le sens, vous avez été atteint par l'avilissement, vous avez été rabaissé. Et cela comment ? Cela apparaît sur leur corps. Ils sont devenus très maigres. وَقَالَ تَعَلَى وَالْمَسْكَنَا بِكُلُوبِهِمْ فَلَمْ تَكُنْ أَنْفُسُهُمْ عَزِيزًا. Et l'avilissement, c'est-à-dire dans leur cœur, qui n'avait plus de fierté, plus de force en eux-mêmes. وَلَا لَهُمْ هِمَمٌ عَالِيَةٌ. Et plus de motivation haute. بَلْ أَنْفُسُهُمْ أَنْفُسْ مَهِينَةٌ. Et des personnes abaissées. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. Et qu'ils ont subi la colère d'Allah. أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئسة الغنيمة غنيمتهم وبئسة الحالة حالتهم. Donc ensuite, pour la colère d'Allah qu'ils ont encouru, c'est du fait qu'ils n'ont pas obtenu le butin qu'ils espéraient de par leur victoire, c'est-à-dire d'avoir eu le dessus sur Pharaon, les fonds de l'Allah Ta'ala. Et ils ne sont revenus qu'avec la colère d'Allah. Et quel mauvais butin que fut leur butin, et quelle mauvaise situation que fut leur situation. Et de là, j'aimerais également lire sur vous une faïda prévue, ou faïda d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Toujours lié à ce sujet. يعني في باب حول قوله تعالى إن الله لا يغير ما بكم من حتى يغير ما بأنفسهم. Par rapport au chapitre qui est que certes Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes changé ce qu'il y a en eux. فقال رحمه الله تعالى من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله عليه بها واختارها له فيملها العبد يطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله سواء اختياره لنفسه. Donc il dit parmi les calamités, on va dire, qui sont générales, fortement répandues, mais qui ne sont pas forcément flagrantes aux yeux de tous, c'est que le serviteur soit dans un bienfait que Allah lui a accordé, par lequel il l'a comblé, et qu'il l'a choisi. Et cependant, voilà que ce serviteur se lasse de ce bienfait, et désire en désire un autre. Il désire se sortir de ce bienfait pour en choisir un autre. Parce qu'il trouvera de mieux, parce qu'il s'imagine trouver de mieux par sa nuance. Alors que son Seigneur, par sa grande miséricorde, ne le sort pas de cette ni'ma, de ce bienfait, par sa nuance. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala le laisse toujours dans cette ni'ma, malgré son désir de pouvoir en sortir. ثم قال حتى إذا قد زرع عن بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ما له لها صلبه الله له إلياها. Donc ensuite, lorsque vraiment il arrive à bout, qu'il ne tient plus sur cette ni'ma, qu'il s'en irrite et qu'elle l'agace et qu'il vraiment s'en voit ennuyé, alors Allah lui retire. Il lui retire ce bienfait. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقله وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. Donc une fois que justement il perd ce bienfait, il se rend compte justement de ce qu'il lui a, de ce dont il a été privé. Et une fois qu'il se rend compte vraiment de cela et que son regret s'accumule, ainsi que son inquiétude, il désire y retourner. C'est-à-dire le bienfait dans lequel il était, il désire y retourner. فَإِذَا رَضَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرٌ وَرَشَدَ أَشْهَدَهُ أَنَّ مَا هُوَ فِيهِ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِهِ عَلَيْهِ وَرَضَهُ وَأَزْرَعَهُ شُكْرَهُ عَلَيْهِ. Par contre, si jamais Allah veut pour son serviteur un bien et de la droiture, il lui fait réaliser le bienfait dans lequel il se trouve. Et il lui accorde l'agrément. En sorte qu'il agrée ce bienfait. Et lui accorde de pouvoir être reconnaissant. فَإِذَا حَدَثَتْهُ نَفْسُهُ بِالْإِنْتِقَالَ عَنْهُ اسْتَخَارَ رَبَّهُ اسْتِخَارَةَ جَاهِلٍ بِمَصْلَحَتِهِ عَاجِزْ عَنْهَا مُفَوِّضُ إِلَى اللَّهِ طَالِبُ مِنْهُ حُسْنُ اخْتِيَارِهِ لَهُ. Que si jamais il se met à penser à sortir de ce bienfait dans lequel il est, alors là, il consulte son Seigneur, il fait l'istikhara, comme le ferait celui qui ignore sa maslaha, son intérêt. C'est-à-dire vraiment, il veut sortir de ce bienfait, mais il se demande si vraiment cela est valable, si cela est raisonnable. Donc, il consulte son Seigneur, et s'en remet à lui totalement, et lui demande de lui accorder le bon choix à faire. ثم قال وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله. Et qu'il n'y a pas plus nuisible pour le serviteur par rapport au bienfait d'Allah que la lassitude, qu'il s'en lasse. فإنه لا يراها نعمة لا يشكره عليها ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها وبعدها ويعودها مصيبة. Car le serviteur, justement, le bienfait, il ne s'en rend pas compte. Donc ne peut remercier comme il se doit et ne peut s'en réjouir également, car il ne s'en rend pas compte. Mais bien au contraire, le voilà qui s'en irrite, qui s'en plaint et qui considère ce bienfait comme étant une moussiba, comme étant un mal sur lui. وَهَذَا هُوَ مِنْ أَعْظَمْ نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et cela est parmi les plus grands faits d'Allah sur lui. فَأَكْثَرَ النَّاسِ أَعْدَى نِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا يَشْعُرُونَ بِفَتْحِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً وَهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي دَفْعِهَا وَرَدِّهَا جَهْلًا وَظُلْمًا. Il dit que la plupart des gens, justement, sont ennemis au bienfait d'Allah sur eux. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte que Allah, ce qu'il leur a accordé comme bienfait, et les voilà qui s'efforcent et fournissent plein d'efforts pour repousser ces bienfaits. Et cela par ignorance et en toute impunité. فَكَمْ سَعَتِ لِأَحَدِهِمْ نِعْمَةٍ وَوَسَاعٍ فِي رَدِّهَا بِجُهْدِهِ وَكَمْ وَصَلَتِ إِلَيْهِ وَوَسَاعٍ فِي دَفْعِهَا وَزَوَالِهَا بِظُلْمِهِ وَجَهْلِهِ. Il dit combien parmi eux ces bienfaits sont accourus vers lui alors que lui il s'efforce de le rejeter, et combien également parmi eux ces bienfaits leur sont parvenus et eux ont fait en sorte de les faire disparaître, et cela par leur injustice et leur ignorance. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Et c'est cela car Allah ne change pas le bienfait qu'il a accordé à un peuple jusqu'à ce qu'eux-mêmes changent ce qu'il y a en eux. Et que Allah est parfaitement audient et omniscient. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إن الله لا يغير ما بكم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بكم من سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Et que ils ont des anges de devant et derrière eux qui les protègent, et cela par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah ne change pas ce qui est en un peuple jusqu'à ce que eux-mêmes changent ce qui est en eux-mêmes. C'est-à-dire les individus changent ce qui est en eux-mêmes en ingratitude. Et que si Allah veut du mal pour un peuple, alors nul ne peut le repousser, ils n'ont en dehors de lui aucun secours. ثم قال رحمه الله تعالى فليس للنعم أعدى من نفس العبد. Il n'y a pas plus grand adversaire pour les bienfaits d'Allah que l'âme du serviteur, sa propre âme. فهو مع عدوه ظهير على نفسه فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها. فهو كالذي مكنه من طرح النار ثم عانه بالنفخ. Donc il est complice avec son ennemi sur lui-même. C'est-à-dire que son ennemi pose le feu et lui souffle dessus pour le ravifier. Son ennemi pose le feu et lui souffle dessus pour allumer ce feu justement. Donc c'est lui qui a permis à son ennemi de pouvoir causer cet incendie. Donc il est complice de son ennemi. فإذا اشتد درامها استعاف من الحريق وكان غايته متابعة الأقدار. Et qu'une fois qu'il voit justement que le feu devient trop ardent, alors là il en cherche refuge. Donc là c'est une image qu'il donne le cheikh. Que la personne permet à son ennemi de poser un feu et c'est lui qui vient qui l'allume. Et une fois que le feu devient ardent, il cherche refuge pour ce feu. Alors que c'est lui qui en est la cause. Et après il a fini par des abiyat chez Aliya, il dit وعجز ري مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. Une sorte de sévère, c'est que celui qui est privé d'une bonne réflexion et perd les bonnes occasions, à la fin, une fois qu'elles lui ont échappé, il s'en prend au destin. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que la cause c'est lui-même. Il s'en prend au destin. فانتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتاب الفوائد. Donc là on a appris justement qu'est-ce qui se passe par rapport au bienfait lorsqu'il l'a accordé, que le serviteur ne s'en rend pas compte, ce qui le pousse à le rejeter. Et c'est une chose qui est connue, citée par le savant, man jahada ash-shay jahada. Celui qui ne connaît pas une chose, il s'y oppose, à cause de son ignorance. Wa ba'da hadha, نقول كلاما للشيخ عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوساطيه فقال احكام الله عز وجل شرعيه وكونيه والشرعيه اوامر ونواه والصبر على طاعه الله الصبر على اوامره والصبر عن معصيته والصبر عن نواهيه donc il dit الشيخ عثيمين dans الوساطيه que les décrets d'Allah tirent de la législation ou de la création. Ceux de la législation sont basés sur des ordres et des interdits. Et la patience sur l'obéissance à Allah, c'est patienter sur ses ordres. Et la patience face aux désobéissances, c'est le fait de patienter sur ses interdits. ثم قال والكونية أقدار الله تعالى فيصبر على أقداره وقضائه. Après, par rapport à la création, c'est ce que Allah a prédestiné. Donc le serviteur doit pas patienter sur le destin, ce que Allah SWT a décrété, des choses qui ne lui reviennent pas à lui. وَهَذَا مَعْنَا قُولِ بَعْدِهِمْ أَصَبْرُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَصَبْرٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَصَبْرٌ عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤَلَّمَةِ. Donc c'est pour ça que certains disent que justement la patience est de trois catégories: la patience sur l'obéissance d'Allah SWT, la patience sur le fait de lui désobéir, c'est-à-dire se retenir de lui désobéir, et la patience sur le destin, les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont eux, qui peuvent être parfois, peuvent être douloureux. فَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكِ يَتَنَاوَلْ الْأَقْسَامِ ثَلَاثَةَ الصَّبْرُ وَلَا طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا عَمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا أَقْدَرِ اللَّهِ. Et par rapport à la parole d'Allah dans le sens où il dit, et patiente sur le décret de ton Seigneur, cela englobe les trois formes de patience. Celle sur l'obéissance, celle de ne pas accomplir la désobéissance, et celle sur le destin. Et par la suite, il dit toujours dans le ressortir, et qu'on l'a azza wa jal, wasbiru inna Allah ma'a sabirin. Et patientez, car cet Allah est avec la patience. Qal, sabaqa lana anna sabr habsu al-nafsi ala ta'atillah, wa habsuha an ma'asiyatillah, wa habsuha an tasakhut. أن التسخط على أقدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. Donc il dit dans la parole d'Allah dans le sens où il dit et endure, patiente, car certes Allah est avec les endurants ou les patients. Donc il dit que il a été précédé, c'est-à-dire dans le livre auparavant, que la patience c'est le fait de retenir son nefs, maintenir son nefs sur l'obéissance d'Allah, la retenir de le désobéir et la retenir de s'irriter contre le destin, de se rebeller contre les choses qu'elle subirait malgré elle. Peu importe qu'ils, et cela, que ce soit par la langue, ou par le cœur, ou par les membres. Thumma qala ala wa shahid. Wa afdalu anwa'i sabr, as-sabru ala ta'atillah. Thumma an ma'siyatillah. Lianna fihima ikhtiyaran. Donc il dit le meilleur de ces trois catégories, la meilleure de ces trois catégories, c'est le fait de se maintenir, de patienter sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa shahid min al-hadi kalima. Le fait de patienter sur l'obéissance d'Allah. Quand on fait une chose par laquelle on recherche l'agrément d'Allah, et qu'on sait que c'est une chose qui est aimée auprès d'Allah, il faut patienter dessus. Thumma an ma'siyatillah. Se retenir de désobéir. Car ces deux-là, se maintenir sur l'obéissance, et se retenir de désobéir, c'est une chose qui revient au choix du serviteur. Comme il dit le shir. S'il veut, il fait les ordres, il accomplit les ordres, et s'il veut, il désobéit. S'il veut, il délaisse les choses illicites, et s'il veut, il tombe dedans. Thumma qal al-aqdarillah. Et le troisième, c'est le fait de patienter sur les décrets d'Allah. Pourquoi? Car les décrets d'Allah sont des choses qui ne reviennent pas à la volonté du serviteur. Qu'il le veuille ou non, ces choses-là, elles arrivent. Donc il les subit. Alors que les deux premières sont des choses qui reviennent à son choix. ثم قال والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. أما من فرشت له الأرض وردا وصار الناس ينظرون إلى ما يريد فإنه لابد أن يناله شيء من التعب والنفس والبدني والداخلي والخارجي أو الخارجي. Il dit car justement la patience, c'est un degré haut, élevé, qui ne peut être atteint que par une chose sur laquelle on passe dessus. Quant à ceux qui ont tout devant eux, qui ont tout obtenu, eux n'ont aucun mérite. Donc il est obligatoire d'être atteint par des choses sur lesquelles on doit patienter. Des choses liées à la fatigue du nefs ou du corps, intérieur ou extérieur. Comme a parlé Ta'ala, « Wasta'in bis-sabri was-salat » وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Il y a une recherche de l'aide par la patience et la salat, car elle est certes lourde hormis pour ceux qui sont humbles et modestes. فَقَالَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْتَعِينُوا فِي أُمُورِهِمْ كُلِّهَا بِصَبْرِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ وَهُوَ الصَّبْرُ وَلَا طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا والصبر عن معصية الله حتى يتركها والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط فالصبر فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة لكل أمر من الأمور ومن يتصبر يصبره الله. Donc là c'est toujours le problème de Cheikh Othaymin. Il dit par la suite dans la parole d'Allah وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, c'est-à-dire en cherche de l'aide par la patience et la salat, car elle est certes lourde, hormis pour les gens humbles. Donc on dit khushur pour Allah SWT, qui sera remercié devant Allah SWT. Donc il dit que Allah leur a ordonné de rechercher de l'aide en toute situation, par la patience, sous toutes ses formes. Qui est la patience sur l'obéissance d'Allah, afin de pouvoir l'accomplir. La patience, c'est fait de se retenir, de le désobéir, afin de délaisser ses obéissances. Et la patience sur les décrets d'Allah, qui peuvent être douloureux, afin de ne pas se rebeller de sérité. Donc celui qui patiente, qui s'efforce de faire les causes patienter, Allah le fera patienter. ثُمَّ وَقَالَ الْإِمَامُ السَّعْدِي إِشَأَنْ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ خَوْفًا مِنِ الْفَقْرِ. Car l'imam Sa'adi dit, par rapport à ceux qui désobéissent Allah par peur de la pauvreté. Car souvent, l'une des plus grandes causes qui amène à cela, c'est la peur de la pauvreté, du manque de confort, du manque de réponse au bas monde. فَقَالَ فِي قُلِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَ يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُدِيَ لِصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا لِذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. Parce que Allah dit, oh vous qui avez cru, si jamais la salat du Jumu'ah du vendredi est appelée, accourez au rappel d'Allah SWT et délaissez le négoce et le commerce, cela est meilleur pour vous, c'est mieux vous saviez. Et lorsque la salat a été accomplie, alors répandez-vous sur terre et recherchez des mérites d'Allah, des méfaits d'Allah, et rappelez-vous d'Allah beaucoup, afin que vous réussissiez. Et lorsqu'il voit un commerce ou une distraction, il s'y dirige et te laisse seul debout, c'est-à-dire lors de la khutbah. Dis, ce qui est auprès d'Allah est meilleur que la distraction et que le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs, à la subsistance. Donc ça c'est quoi le shahid par rapport à ce verset? Au fait de délaisser une obligation religieuse pour pouvoir se diriger vers l'obtention des biens de ce bas monde. Donc, quand même le Sa'adi, par rapport au tijara, au commerce, qui attire les gens, qui ont attiré les gens, lors de la salat du Jumu'ah, قال, التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منع مفوت لخير الآخرة وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. Donc ils disent, ce commerce, même si tu obtiens certains de ses avantages, cela est peu, et peu comparé à ce qui t'attend dans l'au-delà. Ça n'en vaut pas la peine. Et que la patience sur l'obéissance d'Allah n'est pas une cause qui te fait perdre ton risque, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le fait d'obéir à Allah et de se tenir sur la religion n'est pas une cause qui t'amène à réduire ton risque et à te faire perdre ton risque. Car Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et celui qui craint Allah, il lui accorde sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc Shaitan vous promet quoi? Car la peur de la pauvreté, c'est une chose qui vient de Shaitan. Il vous fait peur de la pauvreté et vous ordonne d'accomplir les turpitudes. C'est-à-dire les actes qui amènent à délaisser ses obligations par rapport à la dépense, ce genre de choses. Car il dira, il vous fait croire que vous allez tout perdre. Alors que Allah, lui, vous promet un pardon et une grâce. Et Allah est large et omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a obtenu la sagesse a obtenu certes un grand bien. Seuls les doués intelligents se rappellent. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, i'lam anna an-nasr ba'da as-sabr. Et sache que, dans le hadith d'Ibn Abbas, il a dit sache que le secours ne vient qu'après la patience. Wa qala ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. En parlant de Bani Israël, il a dit, on a fait d'eux des imams, des références qui guident ou qui dirigent par notre ordre quand, lorsqu'ils ont patienté et qu'ils ont eu la certitude de nos versets. Encore la ta'ala, wa awrasna al-qawm al-lazina kanu yustad'afuna mashalik al-ard wa ma'aribaha al-lati barakana fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasma'u fil'aun wa qawmuhu ma kanu ya'arishun. Nous avons fait hériter au peuple qui était impuissant toute la terre sur laquelle nous avons accordé notre baraka. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie. La bonne parole de ton Seigneur s'est accomplie sur les fils d'Israël pour ce qu'ils ont patienté. Et nous avons détruit ce que préparait Pharaon et son Congo et son peuple. Donc de là, à ce moment-là, il nous informe bien que lorsque les Banu Israël ont patienté, les Mouminoun d'entre eux, ceux qui étaient croyants par eux, après qu'ils étaient affaiblis, ils ont été de cette terre sur laquelle Allah a accordé la baraka. Et il a été dit que c'est la terre du Sham. Al-Ard al-Baraka, c'est Ard al-Sham. Et que par la suite, la parole d'Allah, la meilleure, s'est accomplie sur eux parce qu'ils ont patienté. Et il a détruit Pharaon et son peuple et tout ce qu'ils étaient en train de comploter. C'est-à-dire que le mal qu'ils subissaient a été détruit. Le secours leur est parvenu après la patience. Donc Allah Ta'ala, أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئات ومما رزقناهم ينفقون. Et ceux-là, ils auront leur récompense deux fois parce qu'ils ont patienté pour leur patience et le fait qu'ils rendent le mal par le bien et qu'ils ont dépensé de ce que nous leur avons accordé. Et ici, il y a un verset qui me rappelle souvent que notre cheikh disait pour les gens souvent qui avaient envie de faire certaines choses et sont envoyés privés pour en faire d'autres, il prenait comme dalil cette parole d'Allah SWT où il dit « Ya ayyuhan nabiyyu, qul liman fi aydikum min al-asra, in ya'lamillahu fi qulubikum khayra, yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. » Il disait « Oh toi le messager, dis à ceux qui sont entre tes mains parmi les prisonniers, que si Allah sait dans votre cœur du bien, s'il sait qu'il y a dans votre cœur il y a du bien, alors il vous donnera meilleur parce qu'il vous a été pris. » Et il vous pardonnera, et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, si Allah sait qu'on est ton intention, une chose que tu as voulu faire, tu n'as pu la faire à cause d'une autre, par exemple une obligation que tu as faite, et tu as laissé une chose qui t'était la salaine à laquelle tu tenais, Allah te donnera meilleur que celle-ci. Si ta niya, elle était bonne. Wa qala ta'ala, wa ma innakum yanfad, wa ma inda Allahi baq. وَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et ce qui est auprès de vous s'épuise, ce qui est auprès d'Allah reste, et nous allons certes rétribuer ceux qui n'ont pas santé par une récompense meilleure que ce qu'ils avaient. Donc quand l'imam Sa'di fait l'aïa, وَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَفَطَمُوا نُفُوسَهُمْ عَنِ الشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الْمُدَرَّةِ بِدِينِهِمْ. Ce que l'imam Sa'di dit quoi par rapport à ce verset? Que Allah, dans le sens où il dit que nous allons certes rétribuer ceux qui ont patienté, sur quoi? Ils ont patienté sur l'obéissance d'Allah, et s'ils sont retenus de lui désobéir. Et qu'ils ont retenu leur nefs des plaisirs qui les attiraient, mondains, et ces plaisirs qui auraient été une nuisance pour eux dans leur religion. فقال أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Le récompense par meilleur que ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que la hasana, la bonne action, est décuplée en 10 ou en 700. Et encore plus que cela, car certes Allah ne perd pas la récompense de ceux qui ont bien œuvré. فَإِنَّ اللَّهَ لَيُدِيعُ أَجْلَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Donc là, c'était juste un rappel par rapport à ça, lorsque les gens ont bien fait. S'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils demandent. Et s'ils s'en rendent compte, qu'ils passent dessus et qu'ils le gardent. Car si jamais ils s'en irritent et s'en lassent, ils souhaitent passer à autre chose, ils n'auront devant eux que le regret. Que le regret, et peut-être pire que cela, du fait qu'ils n'ont pas été reconnaissants envers ce que Allah s.w.t. leur a accordé. فالصبر والصبر على طاعة الله والصبر والصبر عن معصية الله والصبر والصبر على أقدار الله تعالى. Le fait de patienter sur cette obéissance, bien que parfois elle est dure, mais quoi qu'il en soit, il n'en aboutit que la facilité par la suite. فبيد القدر نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.